Lettre 38e, Calpurnie à Sulpici, Nicomédie, mars 302. Me voici dans cette grande et belle ville, sous le beau ciel de l'Asie mineure, et ce qui vaut mieux encore, bien près de toi, ma Sulpici. Je serai volé dans tes bras au lieu de t'écrire, mais mon père a besoin de moi pour l'arrangement de sa maison, ce qui n'est pas sans difficulté dans un pays étranger. Il m'est donc impossible pour le moment d'aller à Saint-Iom. Ne pourrais-tu pas venir à Nicomédie pour 2 ou 3 jours? Ta santé est assez bien remise, à ce que j'espère, pour pouvoir supporter un voyage de quelques milles. Oh, comme je me réjouis de te revoir après une si longue absence, et de causer avec toi du passé et de l'avenir. Agathoclès vint nous voir le second jour de notre arrivée. Je ne crains pas de t'avouer l'émotion que j'éprouvais lorsque j'entendis le son de sa voix, qui me parut plus faible qu'autrefois. Il salua mon père avec tendresse et respect, puis il s'informa de mes frères et de moi exactement de la même manière. J'étais dans une chambre voisine lorsqu'il arriva, et je profitai de cette circonstance pour appeler mes esprits. Mon père me fit dire de venir, mais malgré tous mes efforts, je fus bien trompé dans l'espoir de l'aborder d'un air aisé et naturel. Ses yeux éteints, son regard sombre, qui n'exprime plus qu'une profonde tristesse, la tendresse mêlée de douleur avec laquelle il se félicita de mon arrivée dans sa patrie, l'idée de ce qui avait occasionné un si grand changement, tout cela réuni m'émut si prodigieusement que je perdis toute contenance. Il avait tant souffert. Ne lui devais-je pas toutes les consolations de l'amitié, plutôt que l'affliger encore par une froideur affectée? Cependant, je ne le cache pas, mon orgueil était blessé de cette tristesse si profonde que l'arrivée d'une amie peut à peine le distraire un instant. La noblesse de sa conduite et le charme de son entretien dissipèrent bientôt ce mouvement dont je rougis. Mon père entama avec lui l'article de la politique et je retrouvai l'Agathoclès de Rome dans le feu de sa conversation et la profondeur de ses pensées. Il parut oublier un instant ses peines. Avec quel délice je me rappelais en l'écoutant et me retraçais les heures délicieuses que j'avais passées ainsi près de lui à Rome. Mais les traces de son abattement sont trop marquées pour que je puisse me faire longtemps illusion. Il me semblait qu'il y avait 2 Agathoclès, celui que j'avais vu jadis si animé, si exalté, dont le sérieux n'avait pu tenir contre ma gaieté, dont le regard passionné, attaché 1000 fois sur moi, me disait tant de choses. Et l'infortuné Agathoclès, avec cette figure si maigre et si mélancolique que la mort d'une femme aimée si tendrement a mis aux portes du tombeau. Il me semblait impossible que ce fût la même personne. Je frissonnais. Ce rapprochement me fut extrêmement pénible. Je sentis tout à coup que des larmes remplissaient mes yeux et qu'ils allaient couler. Je me levai aussitôt et je sortis. Je pleurais abondamment et pourquoi? Je ne le savais pas moi-même, mais j'éprouvais du soulagement à laisser couler mes pleurs. Il me semblait que l'Agathoclès d'autrefois était mort, et que celui qui était là n'était que son ombre livrée aux peines du Tartare. Mon cœur était dans un état d'attendrissement tel que celui qu'on éprouve en voyant la statue d'une personne chérie qu'on a perdue. Ces mêmes traits animés d'une expression si différente, cet intérêt des autres fois, ce froid si glacé actuellement, je ne pouvais supporter cette comparaison, et je sentis que je ne devais pas me montrer dans la disposition où j'étais. Je cherchais à me remettre, mais quand je rentrais, il n'y était plus. Il était parti en promettant de revenir. Je craignis de lui avoir fait de la peine en sortant. Mais il me paraît que non, et qu'il n'a pas même remarqué ma disparition. Je ne suis donc plus pour lui qu'une simple connaissance. Il ne cherche à s'expliquer aucune de mes sensations. Je puis à mon gré le bouder, le quitter, être comme il me plaira, sans que rien de moi lui fasse impression. Tout entier à sa douleur, à la perte de Larissa, il ne songe pas qu'il existait à Rome une Calpurnie, qui lui faisait oublier du moins cette grande passion dont les effets sont si cruels. Celle qu'il revoit à Nicomédie ne lui fait rien oublier qu'elle-même. Depuis cette visite, mon âme est dans un état aussi singulier que pénible. Je suis partagé entre la pitié que m'inspirent les malheurs d'Agathoclès et le désir d'alléger ses peines et le sentiment amer de n'être plus rien pour lui, de n'avoir jamais été qu'une relation agréable autrefois, et peut-être à charge à présent. Non, Sulpici, il ne m'a jamais aimé, celui que la perte d'une autre femme laisse dans un tel désespoir. Que résultera-t-il de tout ceci? Comment serai-je avec lui? Toi, mon ami, tu pourrais me rendre un grand service. Tu vois souvent Agathoclès. Il a beaucoup de confiance en toi, je le sais. Et tu peux savoir facilement ce qu'il pense de moi. Écris-moi d'abord, si tu ne peux pas venir. Dis-moi comment il parle de Calpurnie. Même avec toi, Agathoclès ne s'abaissera pas à feindre et à dire ce qu'il ne pense pas. Mets-le sur mon sujet, et dis-moi sincèrement sur quel ton il en parlera. Un mot suffit pour m'éclairer sur ma conduite. Je me repose entièrement sur toi, et j'attends avec impatience de tes nouvelles.